j'ai pas eu le temps. M'en faire encore un hit and run, j'ai pas eu le temps. De te gazouiller plus longtemps. Au matin, j'ai pas encore fini ma run. J'ai 12-24 heures pour livrer tout un zoo en roulant. Mon zoo dans la ville de Montréal, faut tout le temps. Mettre la vapeur dans mon cheval, j'ai pas eu le temps d'aller voir tout le monde en même temps. Faudrait que ma minoune soit de beau joie, voilà. J'ai une minoune qui conne, qui grogne, dont le moteur tourne un peu carré. Et le plancher qui peigne usé, il faut que je freine avec mes pieds. Je l'ai payé juste 16 piastres, un vrai palace qui roule dans la place. Après ça, 5000, ça m'a coûté 500 piastres, puis j'ai changé la transmission, les frais, les pneus, les pistons, ils roulent tout comme eux. Je passe mon temps dans mon appartement roulant, faut tout le temps que je monte envie de faire de l'argent, plus d'argent. Je peux même plus faire de hit and run. Au matin, j'aurai pas le temps de finir ma run. J'ai pas le temps de voir ma noire et son enfant. J'ai pas le temps, l'alternateur a plus de courant. Pogné en plein sur le penchant, en plein écrieur devant me défoncer tes pains. J'ai plus de minone pour sacrer cœur dans ses appartements aimants. Mais j'aimerais bien ça qu'il pousse des ailes, que je puisse m'envoler. Mais c'est pas le temps de faire éteindre un clan derrière moi, mille autos qui bougonnent. Ah ouais, avance, on va étouffer dans le carbone, pouce par pouce. Le bon beau sarta qu'on poissonne, pousse légal, à propos plus quand tu klaxonnes. Hey, pendant ton champ, as-tu le téléphone? À demain, moi, t'y un chèque de 100 piastres, place pour place. J'te fous ma minonne pour 100 piastres, la sirène, dépouche-moi qu'un peu d'oxygène. J'te courant dans les appartements du banc, on va aller sur le pouce, en admirant le Saint-Laurent. Mais il y a sans qu'on le pousse, y'a pas de problème avec son courant. J'ai fait dans mon arche de Noé, pour faire ma ronde sur Saint-Laurent. Dans mon appartement devenu flottant, si ça va pour moi me faire poser un gros turbo dans l'eau, pis m'en sacrer mon cœur où ce qu'il fait beau. Pis je vais faire une ronde d'amour avec ma noire dans nos bleus appartements d'amour volant. On va prendre le temps jusqu'au bout du jour de faire un huit d'amour pour couronne toujours. De faire un huit d'amour pour couronne toujours. De faire un huit d'amour pour couronne toujours. Ok.